des forces dans ce merdier. Plus gosse dans ce merdier qui bosse dans ce merdier. Il aurait mieux valu que des rampes un jour d'école. Pousser grandir et quitter sa vie dans une cour d'école. Je sais que bien poser, les attaques bien dosées. J'ai pas appris le partage, si je le réclame c'est qu'on me l'a imposé. Au fil des saisons, m'en file des saisons. S'accroche au long, se fout sur tranquille de la saison. N'en est conscient, y'a pas d'auto, mon vieux du traquemar. D'être là c'est où d'avoir grandi au beau milieu du traquenard. Des billets au compte-goutte de l'herbe au gant de la fac. Sauf pour y foutre la merde, je connaîtrais pas les bancs de la fac. Maintenant c'est nous les grands, tu meurs ou tu pètes ta tête. J'ai pas traité une merde depuis mon dernier tête à tête. Ça devient sérieux entre les mecs de derrière sans chance. J'ai pas mêlé un mec depuis ma dernière vengeance. L'enfant seul pour le danger, évincé de mon foyer. J'ai cartouché des meufs pour manger, érincé mon loyer. Donner sa vie au tag, au break, au son du souffle. Toute l'année en vacances comme d'un ventre mec au fond du gouffre. Regarde, où l'oseille part, quand nous on compte les balles. Entre un handicap et une pute qui nous raconte sa life. Imagine que c'est créé un FNAC pour 15 balles si grave. Je te raconte pas ma vie parce qu'elle est pas habillée. Respect à ceux qui prennent des forces dans ce merdier. Plus gosse dans ce merdier qui morfe dans ce merdier. La rue c'est comme le dîner, tous ceux qui savent prendre. Un nuage me contient, ne comprennent que ceux qui doivent comprendre. Dépasse la vingtaine des boules du rock, mal les poches, pleine sacoche. Sarkex, ça fait le million avec les Porsche. Réveille-toi, on garde comme l'offensive quand les stocks m'a décoche. Soit t'as la lame tes corps, soit tu fais pas le mignon avec les morches, hein. L'embrouille s'accroche, rien que ta peine s'approche, hein. Ici t'as sûrement raison de penser être le prochain. Quand tu rallumes l'espoir, cherche la flamme et t'as tes sens. Étincelle de l'étincelle avant que ça crame. Mais plein d'essence, j'ai moins d'années au compteur que la rue et ses martyrs. Cette salope m'aime déjà tellement qu'elle veut plus me laisser partir. Tendu les mecs sont, y'a de mort du check sont. Peut-être à l'aise que dans le secteur à la réflexion. Y'a plein de Tommy au Barça, comment se finit par ça. Pas ça, je veux terminer comme Ronnie au Barça. Pas un seul innocent quand les cousins m'entourent. Pas une conscience tranquille à 500 mètres aux alentours. Miracle c'est pareil, mais gros gros Celsius. Dans la matrice depuis gosse, ils vont d'enclencher le processus. Esprit complexe, fais pas le complexe. Tu couches des mecs quand vient ton tour, fais pas ton vexé. Respect à ceux qui prennent des forces dans ce merdier. Qui boxe dans ce merdier, puis gosse dans ce merdier. Je rêve aussi d'une grosse survie d'un buzz émané. Prendre ma place, qu'à ma petite clôture ma 22ème année. On me l'avait dit, dès que t'as une petite meuf au pétail. Ici y'a que les transacts pour ensuite mettre les petits infos au détail. La routine à 30 balles, mes frères, ok, c'est t'as fait. Fais pas comme si tu le savais pas, c'est pas comme si je t'as fait. Mec, t'es bienvenu au pays où chacun joue son rôle. On vit à 150 à l'heure et j'avoue que j'ai perdu le contrôle, frère. Dédié à ceux qui gardent la foi, comme Sofiane en 2007, frère. Dédié à ceux qui tardent ma foi, hein. Respect à ceux qui bombent le torse dans ce merdier. Plus gosse, non merdier, plus de force dans ce merdier. Merdier, merdier.